Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 119e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 12, avec depuis toujours ce générique de Nicolas Gardel et Ed Bangers Bacchus qui nous accompagne. Nicolas Gardel, dont il faut signaler quand même qu'il sera en concert très bientôt à Blois. Dans le cadre de le magnifique cadre de la Halle au Grain, voilà, un concert à ne pas louper le 24 janvier prochain, la Halle au Grain où j'ai eu le plaisir de voir récemment Dominica accompagnée de deux jazzmen d'ailleurs, donc il était en trio, lui à la guitare, Sébastien Boisseau à la contrebasse et Julien Noël au clavier. C'était vraiment un magnifique concert, cette petite salle en hémicycle de la Halle au Grain à Blois. C'est vraiment une belle salle. Donc voilà, Nicolas Gardel qui nous accompagne depuis 5 ans sera là-bas. Et donc ça promet d'être un joli concert de jazz. Et puisqu'on parle de rubrique générique, eh bien on va commencer comme d'habitude avec notre rubrique générique qui va nous faire explorer cette fois-ci un film sorti en 1959 et dont le titre n'est autre que Les Liaisons dangereuses 1960, un film de Roger Vadim qui a dû changer de nom d'ailleurs en cours de route. Ça s'appelait simplement Les Liaisons dangereuses au départ, adapté bien sûr du roman de Chaudelaire de Laclos. Mais voilà, apparemment, il y a une petite société de gens de lettres qui s'est émue que ce film porte le même nom que le roman. Donc voilà, il l'a appelé au bout de 2 mois d'exploitation, il a changé le nom en Les Liaisons dangereuses 1960. Voilà. Il n'a pas été cherché bien loin. Je ne sais pas en quoi ça pouvait changer la vie de la société des gens de lettres, mais bon, visiblement, ça a eu l'air de la changer. Donc, dans ce film, bien sûr, il adapte le roman dans l'époque actuelle, de l'époque de 1960. C'est pas un film en habit d'époque, etc. Non, c'est vraiment dans la vie quotidienne et citadine des années 60, avec Gérard Philippe dans le rôle principal, Jeanne Moreau qui joue la comtesse de Merteuil, Jean-Louis Trintignant qui apparaît aussi, il y a Jeanne Valéry qui joue Cécile Volange, enfin bon, voilà, tout un tas de grands acteurs de l'époque dans cette adaptation. Et donc cette adaptation pousse encore un petit peu plus loin l'adaptation à la modernité, puisque la musique est confiée à des jazzmen pour ce film, et notamment Thelonious Monk qui compose une partie de la bande originale du film, accompagné de son groupe de l'époque, Charlie Rose, Sam Jones et Art Taylor. Et puis il y a le générique principal qui lui est confié à Art Blakey et ses Jazz Messengers, donc qui à l'époque sont Lee Morgan, Bobby Timmons et Jimmy Merritt, donc un beau All-Star Band. Et pour le générique est embauché en plus Barney Whelan qui vient poser son sax sur ce générique. Voilà, donc on va l'écouter tout de suite. Les Liaisons dangereuses 1960, le morceau s'appelle Prelude in Blue, et c'est donc Art Blakey, les Jazz Messengers avec Barney Whelan. Thank you. Voilà, c'était donc Art Blakey et les Jazz Messengers avec Barney Whelan au sax. Ce son très, très doux, très fin, très langoureux. Ça va bien avec l'ambiance de ce film, donc Les Liaisons Dangereuses 1960 de Roger Vadim, dans lequel il y avait également, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, un certain Boris Vian qui jouait un diplomate et qui a dû tourner ses scènes certainement peu de temps avant sa mort, puisqu'il est mort en 1959, en juin 59, donc les scènes ont dû être tournées peu de temps avant sa mort. Et puis une certaine Gillian Hills aussi, qui dira peut-être quelque chose à nos amis amateurs de pop et de yéyé années 1960, puisqu'elle a enregistré elle-même quelques 45 tours dans les années, début des années 60, dans un style assez proche de celui des chanteuses du type Sylvie Vartan, Sheila et autres. Voilà, donc c'était Art Blakey et Jazz Messengers, Les Liaisons Dangereuses 1960, et le morceau s'appelait Prélude in Blue. On va maintenant aborder les nouveautés qui continuent de sortir à plein jet à cette saison. Noël approche et donc forcément il y a de plus en plus de sorties en tête d'affiche pour moi ces jours-ci un très très bel album du trompettiste Nicholas Payton nous revient avec un album absolument splendide qui s'appelle Trion, donc un album en trio mais aussi avec quelques invités, mais le trio de base, c'est un trio qu'il rêvait de mettre ensemble déjà depuis quelques années. Et puis le problème, c'est que ses comparses qu'il voulait inviter n'étaient pas toujours disponibles. Vous pensez bien, il y avait à la basse Esperanza Spalding, qui est quand même une des bassistes les plus demandées actuellement, et puis Karim Riggins à la batterie, qui non seulement est lui-même aussi très demandé chez les artistes de jazz, puisqu'il a joué avec beaucoup de monde, de Milko Miller à Ray Brown, en passant par Oscar Peterson, Milt Jackson, mais aussi par les gens qui officient dans le hip-hop, comme Common, J Dilla, et puis dans la soul ou dans l'électro, comme Daft Punk même, et Erykah Badu. Donc Karim Riggins, il a lui aussi un emploi du temps très chargé, mais enfin bon, ils ont réussi enfin à se rassembler tous les trois et à sortir cet album, donc Trion, qui est vraiment une merveilleuse surprise, parce qu'il est très très très très riche. Et on y retrouve un jazz tout à fait classique sur certains morceaux, et puis d'autres morceaux qui abordent des aspects un petit peu plus soul, funk, hip-hop, et vraiment une belle réussite, parce que dans tous les domaines, Nicholas Payton réussit à mettre dans le mille à chaque fois, et c'est un vrai, vrai, vrai grand album, donc avec pratiquement que des compositions originales, sauf deux morceaux, des reprises de la regrettée Jerry Allen, qui est morte il y a quelques années maintenant, et qui était une des égéries de Nicholas Payton, donc il a voulu lui rendre hommage de cette façon. Il y a quelques invités, donc Nikki Glaspie-Augusti, Ivan Neville, qui vient chanter, Erica Falls aussi, Otis McDonald également, qui viennent sur notamment un morceau qui s'appelle Bam is for the Children, qui est la plus grosse incursion un peu hip-hop dans cet album, qui sinon est tout à fait dans l'esprit du jazz classique, mais avec un son tout à fait moderne. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec ce morceau que je vous ai sélectionné, qui s'appelle Jazz is a four letter word. Le jazz est un mot de quatre lettres, oui, mais de beaucoup plus que ça, en rythme, en esprit, en âme, etc. Jazz is a four letter word, donc de Nicholas Payton avec Esperanza Spalding, Karim Riggins, sur cet album Trion. C'est tout de suite. Thank you. what I'm saying is, I'm dealing with the ingenuity and the genius of black folks. Mm-hmm. I don't separate Charlie Parker from Michael Jordan. I don't separate Michael Jordan from Michael Jackson. I don't separate Michael Jackson from Aretha Franklin. But we have to put it in the proper perspective, because all of it exemplifies the genius of black creativity. Nicholas Payton, extrait de cet album Trioné. Le morceau s'appelle Jazz is a four-letter word. Alors vous avez pu remarquer que Nicholas Payton rentre à la trompette que assez tardivement dans le morceau, mais c'était lui qui jouait avant de tous les claviers, piano, Fender Rhodes, clavinette. C'est lui qui faisait la voix également sur ce morceau, accompagné là donc de Esperanza Spalding à la basse et de Karim Riggins à la batterie. Une bien belle évolution sur ce morceau. On commence dans un univers presque un peu hip-hop, et puis petit à petit on glisse vers un jazz plus classique, et voilà, c'est comme ça un petit peu dans tout l'album. Il y a des interactions à l'intérieur même des morceaux assez riches entre différentes musiques issues de la musique noire, voilà, dont Nicholas Payton veut gommer un petit peu les différentes écoles, je dirais, pour faire une seule musique, comme il le dit lui-même dans la partie parlée du début, hein, que le jazz n'est qu'un mot de quatre lettres, et qu'il y a bien plus que ça dans toute la culture noire américaine. Voilà pour ça, et on va ensuite enchaîner avec un autre grand monsieur de cette nouvelle génération aussi de musiciens noirs américains. Il s'agit de Gregory Groover Jr. On avait déjà fait un coup de cœur sur son album précédent il y a 2-3 ans à peu près. Et là, ce nouvel album qui s'appelle Old New, mais écrit old comme vieux et new comme le verbe savoir au prétérit, K-N-E-W, comme si les vieux savaient, mais en même temps les vieux, voilà, les vieux et le nouveau, puisque new se prononce de la même façon. Donc une sorte de jeu de mots et de clin d'œil pour dire que voilà, toutes les générations se succèdent et continuent de faire vivre la même musique, la musique de jazz de héritée des ancêtres, et qu'ils font et continuent de faire évoluer. Alors pour cet album, Gregory Groover Jr. s'est entouré d'une bien belle ribambelle de musiciens, puisqu'on retrouve avec lui un quintet dans lequel il y a Joel Ross au vibraphone. Joel Ross, on avait fait pareil un coup de cœur sur son album solo paru chez Blue Note l'année dernière, et puis aussi sur l'excellent groupe qu'il avait monté avec ses amis de chez Blue Note, qui s'appelait Out of Into. Donc vraiment un garçon avec un CV assez impressionnant. Le pianiste, c'est Paul Cornish, dont on a fait le coup de cœur sur son album solo, également paru chez Blue Note, en début d'année, là, au mois de septembre. Kendrick Scott est à la batterie, lui aussi, on l'a fait deux fois en coup de cœur avec ses deux derniers albums, toujours chez Blue Note. Et puis, Harish Raghavan à la contrebasse, dont on avait fait l'album aussi en coup de cœur, il y a déjà bien facilement un an et demi. Donc voilà, une belle brochette de musiciens actuels qui continuent de réinventer, de faire avancer le jazz. L'album en plus est produit par Walter Smith III, donc pareil, lui aussi on a fait des coups de cœur sur ses albums parus chez Blue Note. Alors ce qui est bizarre, c'est que tous les accompagnateurs sont chez Blue Note, mais l'album ne sort pas chez Blue Note. Lui, Gregory Groover, est chez un autre éditeur. Mais voilà, on retrouve un petit peu l'esprit quand même de Blue Note. Alors Gregory Groover, il a un son de sax très très très cool. On a commencé tout à l'heure avec Barney Whelan. On a un petit peu ce même type de son très très très doux, très fin, un souffle très très cool. Mais c'est vraiment très très beau ce qu'il fait avec. Et donc sur cet album, et ben je vous ai extrait un morceau qui s'appelle Go for Broke. C'est donc Gregory Groover Jr. Pour ce nouvel album Old New. Thank you. Extrait de l'album Old New qui vient juste de sortir sur Criss Cross Jazz. Ce morceau s'appelait Go for Broke et on y entendait en sa compagnie Joël Ross au vibraphone, Paul Cornish au piano, Kendrick Scott à la batterie et Harish Raghavan à la contrebasse. Vraiment un véritable all-star de jeunes pousses du jazz. Le tout produit par Walter Smith III. Donc vraiment un beau condensé du jazz tel qu'il peut aujourd'hui continuer d'évoluer avec des gars de cette pointure, puisque par ailleurs Gregory Groover Jr. est également enseignant à la prestigieuse école de jazz de Berkeley aux États-Unis. Donc voilà un endroit d'où sortent à peu près tous les grands de la scène future, de génération en génération. On va passer maintenant au coup de cœur suivant qui va nous amener à écouter un joli duo. C'est celui du trompettiste Theo Crocker et du pianiste Sullivan Fortner. Ils sortent ensemble chez Act un album qui s'appelle Play. Alors un album qui a une curieuse gestation. Ça faisait longtemps qu'ils avaient envie de faire des choses ensemble et puis ils se sont dit tiens, on va enregistrer un album de standard et puis on y glissera peut-être aussi quelques morceaux un peu plus pop, etc. Juste piano et trompette comme ça, et puis voilà, ils l'ont enregistré, et puis une fois qu'ils l'ont eu enregistré, ils se sont dit ouais, bof, c'est pas terrible, ça nous plaît pas trop, il manque quelque chose, il manque une étincelle, etc. Donc ils ont laissé passer un petit peu de temps, et puis ils se sont dit bon, on va se retrouver en studio, mais sans projet particulier, quoi. On va voir ce qui va se passer. On va partir sur de l'improvisation ou sur des thèmes, mais spontanément comme ça, sans savoir où on va, quoi. Et pas de temps, quoi. Voilà, direct. Et ma foi, le résultat est assez étonnant parce que dans ce cadre-là, sans structure, et les garçons se trouvent de manière assez exceptionnelle et se renvoient la balle de manière tout à fait étonnante, comme sur cette pièce qui s'appelle Prayer for Peace, une prière pour la paix. On en a bien besoin en ce moment. Et voilà, tout naturellement, ils sont trouvés, ils sont mis en place et ça donne des morceaux comme celui-ci. Theo Crocker à la trompette, Sullivan Fortner au piano, A Prayer for Peace. Thank you. A Prayer for Peace, donc une prière pour la paix. C'était donc Theo Crocker à la trompette, Sylvain Fortner au piano. Et voilà, on est dans cette tonalité. C'est très cool hein, dans l'ensemble comme album. C'est, il me semble être une prière sur toute la longueur de l'album, mais c'est vraiment très très beau. Un truc à écouter un peu au casque, parce que vraiment il y a des petites nuances de trompette qui sont étonnantes dans sa manière de jouer, dans son jeu de doigts. On entend les petits clapets de la trompette. C'est vraiment un vrai bonheur d'écouter ça, vraiment avec beaucoup d'attention. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, il se trouve que en même temps quasiment sort ces jours-ci un autre duo trompette piano, donc je ne pouvais guère que l'associer de manière à avoir une petite continuité dans cette émission. La vie est bien faite quand même des fois. Martial Solal et Eric Lelanne avaient joué ensemble il y a de quelques bonnes années, puisque l'enregistrement date de 1999, un enregistrement en concert dans un festival qui s'appelait Jazz à Vannes, donc il y a donc tout juste 26 ans. Martial Solal malheureusement est décédé en 2024, mais il avait longuement et bien vécu et il nous avait abreuvé de beaucoup de belles choses avec son piano. Martial Solal donc et Eric Lelanne à la trompette, tous les deux aussi ont souvent joué ensemble, pas forcément beaucoup enregistré, et là c'est un plaisir de trouver cet enregistrement en public qui sort chez Frémo sous le nom de Portrait in Black and White, et vraiment le souffle là aussi de Eric Lelanne est vraiment tout fin, tout calme. Martial Solal lui aussi vient juste illustrer tout ça. Ils sont tous les deux très complémentaires. Il n'y a pas de volonté de faire dans la technique, dans la performance. C'est juste collé à l'esprit des compositions, et notamment sur ce morceau que l'on va écouter qui s'appelle Le Bleu d'Hortense. Donc Martial Solal, Eric Lelanne, extrait de cet album Portrait in Black and White. Thank you. Martial Solal et Eric Lelanne, donc en public à Jazz Havane en août 1999, extrait de cet album donc qui vient de sortir, Portrait in Black and White chez Frémo. On sent que ces deux garçons-là sont particulièrement complices, la manière dont ils se répondent, ou même quand ils jouent à l'unisson, c'est vraiment on sent qu'ils se regardent du coin de l'œil et que tout va bien, donc notamment sur ce morceau, le Bleu d'Hortense là qu'on vient d'écouter, qui est vraiment magnifique. On va explorer un petit peu les différentes sorties dont on n'a pas le temps forcément d'écouter des extraits, hein, sinon voilà, on n'y arriverait plus. Il y a le deuxième volume des Django Sessions qui sort en ce moment avec Chavolo Schmidt, Tora Cinta et Brunard. Il y avait déjà eu un premier volume qu'on avait présenté il y a un mois environ. Apparemment, il va y avoir un troisième volume au mois de janvier. Ça va très vite de ce côté-là, donc en jazz manouche, vraiment une très belle collection qui débute, donc avec ce deuxième volume qui arrive dans les bacs. Un nouvel enregistrement de Snarky Puppy avec le Metropole Orchestra. On avait fait le premier volume qui était la redite d'un ancien album. Là, apparemment, il y a des nouvelles compositions. Ils sont tellement bien entendus entre le groupe de jazz un peu fusion, funk, et puis le Metropole Orchestra qui joue dans la catégorie des arrangements pour orchestre de chambre un petit peu du jazz. C'est vraiment, vraiment très, très beau. Il y a un très très très très beau coffret de Quincy Jones qui sort, qui s'appelle The Legacy, coffret de 20 CD sous un format livre dans lequel il y a le meilleur de ce qu'a pu produire ce merveilleux musicien arrangeur qui est malheureusement décédé il y a 2-3 ans. Il y a un nouvel album de John Scofield et Devoland, Memories of Home, qui sort, donc juste guitare et contrebasse. C'est très intimiste comme album, c'est vraiment très très cool. Je pense que on en aura peut-être des extraits, mais dans une autre version, lorsqu'il passera John Scofield au mois de mai à l'Espace Malraux, produit par le Petit Faucheux. Il sera en compagnie à ce moment-là de Gerald Clayton, le pianiste. Donc ça sera certainement différent, mais bon, on aura peut-être des morceaux de cet album-là réarrangés. On a un nouvel album de Mina Agossi, la chanteuse canadienne, qui revient avec un hommage à Dinah Washington. Donc un bel album, même si ça ne va pas tout à fait faire frémir complètement. Il y a des belles réussites et puis d'autres qui sont un petit peu moins bien, mais bon voilà, il fallait en parler. Et puis Doug Rainey, le fils de Jimmy Rainey, s'est entiché lui aussi de la guitare comme son père, et il sort un nouvel album qui s'appelle Never Story Up, et c'est du jazz tout à fait classique, très fluide, très beau jeu de guitare. Une belle découverte. Personnellement, j'avais jamais écouté ce qu'il avait fait jusque-là, Doug Rainey, et vraiment il y a de la matière dans son jeu, et un jazz un petit peu swing de post-bop aussi par moment, des années 50-60 dans l'esprit. C'est vraiment très très beau. Voilà pour les quelques nouveautés qui sortent en plus ces jours-ci. On va revenir à d'autres coups de cœur avec, là encore, un pianiste qui s'est associé à un trompettiste, décidément. Il s'agit de Lafayette Harris Jr. Là, on est un petit peu dans l'esprit du jazz, un petit peu boogie, du jazz à l'ancienne, mais vraiment, vraiment très réussi, avec un petit côté New Orleans aussi. Lafayette Harris, avec un nom comme ça, ils pouvaient guère venir que de cette région-là des États-Unis. Et là, sur cet album, il a invité pas mal de monde, et dont le trompettiste Jeremy Pelt, qui est un des meilleurs trompettistes aussi actuels. On avait fait son dernier album en coup de cœur l'année dernière, et c'est vraiment quelqu'un qui a un emploi du temps très occupé avec toutes les invitations qu'il reçoit à venir jouer sur les albums des autres. Donc là, c'est pour cet album de Lafayette Harris qui s'appelle All in a Good Time, qui vient juste de sortir, dans lequel on retrouve également Kenny Davis à la basse, Jérôme Jennings à la batterie et sur certains morceaux le saxophoniste ténor Houston Person. Donc joli ensemble qui revisite notamment quelques standard et notamment celui-ci, un standard de Max Roach qui s'appelle It's Time, qui était extrait d'ailleurs d'un album du même nom sorti en 1962. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, et ben après on écoutera la version originale de Max Roach. Mais pour l'instant, c'est la version que nous en donne aujourd'hui dans son album All in Good Time, Monsieur Lafayette Harris Jr. Thank you. Lafayette Harris, extrait de l'album All in a Good Time. Et c'était donc une reprise de ce morceau It's Time de Max Roach avec Kenny Davis à la basse et Jerome Jennings qui fait un joli petit numéro à la batterie sur la fin du morceau. Vraiment un beau trio dans ce morceau-là. Je vous le disais, il y a aussi Jeremy Pelt à la trompette et Houston Person sur d'autres morceaux de l'album. Mais vraiment, quand il joue en trio, déjà, ça suffit à soi-même. Alors, ce morceau It's Time, donc je vous le disais, est extrait d'un album du même nom de Max Roach en 1962 sorti sur Impulse. Et vous allez voir, on va en passer donc la version originale donc de Max Roach. Et c'est assez étonnant parce que, bah, à la limite, on ne reconnaît pas le morceau. C'est un album dans lequel il utilise des chœurs, notamment Max Roach, mais aussi ses amis jazzmen, Richard Williams à la trompette, Clifford Jordan au sax ténor, Julian Priester au trombone, et Mal Waldron au piano, ainsi que Art Davis à la basse. Mais vous allez voir, le morceau débute par une partie de chœur assez empoulée, et puis ensuite revient à un style un petit peu plus jazzy. Voilà, c'est une version beaucoup plus riche que celle que l'on vient d'écouter, dépouillée, mais très belle, par Lafayette Harris. Max Roach, It's Time, extrait de l'album It's Time, en 1962. Oh, Et voilà, vous pouvez juger de la différence entre les deux versions de ce morceau. On l'a écouté en trio juste avant par Lafayette Harris. Le voilà dans sa version originale avec Max Roach et son groupe et un chœur derrière qui intervient comme ça, qui vient pousser des petits chœurs en répond comme ça. C'est assez étonnant. Le jazz en 1962, ça tirait dans tous les sens. Et voilà, mais vous avez pu aussi apprécier le swing extraordinaire de Max Roach à la batterie sur ce morceau, notamment à la fin de l'extrait qu'on a passé. Voilà, on va passer à l'agenda concert avec quelques petites choses à noter quand même dans vos agendas. Le vendredi 29 novembre, les Lehman Brothers viendront présenter leur nouvel album au Bateau Ivre. Alors on est un peu plus dans l'esprit de la soul et de la funk, mais bon, c'était des gens qu'on a déjà vus sur scène, notamment à l'Espace Ligeria à Mont-Louis. Ça dépote joyeusement, on est dans un esprit qui est pas loin de celui de Prince par moment, et c'est vraiment très très bon. Ils sont vraiment excellents, originaires d'Angoulême les garçons, mais ils sont basés dans la région, et vraiment si vous avez l'occasion de venir les voir, ne les louvez pas. Vendredi 29-11 au Bateau Ivre, c'est vraiment magnifique. À venir aussi très bientôt, alors apparemment on me glisse dans l'oreillette qu'il n'y aurait plus de place. C'est Arnaud Fradin et Mazingo le 12 décembre au Lobis à Blois. Dommage si vous ne connaissez pas, parce que Mazingo, on en reparlera, je vous en passerai un extrait dans l'émission de la semaine prochaine. C'est vraiment du très bon blues rock, vraiment très très intéressant. Et Arnaud Fradin aussi, on ne le présente plus, superbe chanteur, guitariste, harmoniciste, vraiment français, vraiment très très bon. Donc là, apparemment, une reste plus de place, à moins que des choses se décantent au dernier moment. Et puis il faut le noter déjà aujourd'hui dans vos agendas, donc je vous en parlais au début de l'émission, Nicolas Gardel, celui dont on a pris un morceau comme générique depuis 5 ans, et bien il passera le 24 janvier toujours à Blois, à la Halle aux Grains, donc un beau concert aussi à ne pas manquer. Voilà pour les concerts que vous pouvez faire, mais il y en a certainement d'autres qui doivent pointer le bout de leur nez. On va terminer cette émission en compagnie d'Horace Silver, non sans avoir remercié auparavant Vincent qui a assuré la technique de manière brillante encore cette fois-ci. N'oubliez pas que vous pouvez écouter, réécouter cette émission sur le site www.radioactivefm.fr. Vous allez dans la rubrique Osez Jazz à tous les étages et vous avez les podcasts qui sont présents, même les plus anciens, si vous voulez réécouter des plus anciens, ils sont là. Vous pouvez aussi laisser des petites appréciations, si vous voulez, sur le Instagram de l'émission, qui s'appelle tout simplement Osez Jazz, et puis sur le Facebook également, qui s'appelle Osez Jazz à tous les étages. Voilà, n'hésitez pas à donner vos petits commentaires sur les présentations des émissions que j'y fais régulièrement. On va donc terminer cette émission avec Horace Silver. C'est une bien belle surprise qui nous arrive dans les bacs ces jours-ci. Un album qui s'appelle Silver in Seattle Live at the Penthouse, un enregistrement de 1965 dont on a retrouvé la trace visiblement assez récemment. Personne ne savait que ce concert avait été enregistré, et donc les bandes enregistrées pour une radio qui avait à l'époque retransmis ce concert en direct, une radio qui s'appelait King FM, un ingénieur du son qui s'appelait Jim Wilke qui avait enregistré cette émission, et donc ce concert, et donc il a réussi à retrouver ces bandes, et il a pu les transférer à Blue Note, et Blue Note donc ressort ce concert, puisque Horace Silver était un artiste Blue Note à l'époque, un des plus célèbres et un des plus celui qui avait le plus de succès, notamment avec son album Song for My Father, dans lequel plusieurs morceaux avaient été ressortis et passés régulièrement. On en trouvait même des versions dans les jukebox, c'est dire si aux États-Unis là-bas à l'époque les jukebox jouaient des choses comme le Sidewinder de Lee Morgan, le Watermelon Man de Herbie Hancock, et puis le Song for My Father de Horace Silver. Bref, un pianiste, Horace Silver, qui était vraiment au sommet de sa carrière à l'époque. Il est accompagné ici sur cet enregistrement public, donc dans un club de Seattle sur la côte nord-ouest des États-Unis, de Woody Shaw à la trompette, de Joe Anderson au sax, de Teddy Smith à la basse et de Roger Humphries à la batterie. Le morceau est très très long, il fait 13 minutes, on va peut-être pas tout entendre, mais enfin, au moins une bonne partie. Je vous quitte donc sur ce morceau-là. Le morceau s'appelle The Kicker et c'est donc extrait de ce Silver in Seattle Live at the Penthouse 1965 de Horace Silver. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Osez Jazz à tous les étages.